Or, en ce monde, il y a presque toujours une clé pour les choses inexplicables. Quand il s'agit de criminels ordinaires, cette clé se dépose sur la table d'un greffe. Des juges s'assemblent, on pend un homme. Quand il s'agit des puissants de la terre, personne n'ose toucher à cette clé, et le mot de l'énigme reste enfoui dans les consciences. Si l'escorte du duc François se taisait, ce n'était pas qu'on n'y eût rien à se dire, c'est que nul n'osait ouvrir la bouche sur le sujet qui occupait tous les esprits. Une partie de la foule avait suivi le cortège, la foule n'avait pas pour se taire les mêmes raisons que les hommes d'armes. Et Dieu sait qu'elle s'occupait du riche duc pour son argent. Il y en avait dans la foule qui prononçait le mot sacrilège en parlant de ce somptueux pèlerinage. À l'entrée de la grève, 12 guides prirent les devants pour sonder les lys et reconnaître les cours d'eau. Le brouillard s'éclaircissait, un coup de vent balaya les sables, la cavalcade prit le trot comme cela se fait sur les tangues où la rapidité de la marche diminue toujours le danger. Aubry de Kergariou et l'homme à la côte d'Hermine, qui se nommait Méloir, tenaient toujours la tête de la procession. « Si mon frère me gênait, dit Méloir, continuant une conversation à voix basse, mon frère serait mon ennemi. Et mes ennemis, je les tue. Le duc a bien fait. »« Tais-toi, cousin, tais-toi, » murmura Aubry, scandalisé. Les chevaux, lourdement équipés, hésitaient sur les sables mouvants de la Cée. Les guides crièrent « Au galop, messeigneurs !» La cavalcade se lança et franchit l'obstacle. Méloir était toujours aux côtés d'Aubry de Kergariou. « Moi, dit-il, j'ai le double de ton âge, mon cousin. On me traite toujours en jouvenceau parce que j'aime trop les dés et le vin de Guyenne. Mais demain, mes cheveux vont grisonner, je suis sage. Écoute, pour la dame de mes pensées, je ferai tout, excepté trahir mon seigneur. Voilà ma morale. Elle est donc bien belle, ta dame, mon cousin Méloir, demanda Aubry avec distraction. Les yeux du porte-étendard brillèrent sous la visière de son casque. « C'est la plus belle, » répliqua-t-il avec emphase. C'était un homme de haute taille et de robuste apparence qui portait comme il faut sa pesante armure. Sa figure eût été belle sans l'expression de brutale effronterie qui déparait son regard. Du reste, il se faisait tort à lui-même en disant qu'il commencerait à grisonner demain, car sa chevelure abondante et bouclée s'échappait de son casque en mèches plus noires que le jais. Il pouvait avoir 35 ans. Aubry atteignait sa 20e année. Aubry était grand, et l'étroite côte de maille qui sonnait sur ses reins n'ôtait rien à la gracieuse souplesse de sa taille. Ses cheveux châtains, soyeux et doux, tombaient en boucles molles sur ses épaules. Sa moustache naissait à peine, et la rude atmosphère des camps n'avait pas encore hâlé sa joue. Aubry était beau, il avait le cœur d'un chevalier. Méloir avait un père normand et une mère bretonne. Méloir ne valait pas beaucoup moins que le commun des hommes d'armes. La lance était légère comme une plume dans sa main. Quant à la chevalerie, ma foi, Méloir ne s'en souciait pas plus que d'un gobelet vide. Nous disons un gobelet d'étain. Il était brave parce que ses muscles étaient forts et fidèle parce que son maître était puissant. En prononçant ces mots, « c'est la plus belle », Méloir s'était retourné involontairement et son regard avait cherché dans la cavalcade le groupe des 6 jeunes filles qui suivaient immédiatement le duc. Aubry fit comme lui, puis Aubry et lui se regardèrent. « Elles sont 6 », dit Méloir, exprimant la pensée commune. « Nous avons 5 chances contre une de ne pas nous rencontrer. » « Tu as dit que c'était la plus belle, » repartit Aubry à voix basse. « Je l'ai dit et je te dis, mon cousin Aubry, que je serais fâché de te trouver sur mon chemin. » Les cloches du mont s'ébranlèrent en même temps que les portes du monastère s'ouvraient pour donner passage aux moines qui venaient au-devant de François de Bretagne. La portion des curieux qui était restée sur les remparts d'Avranches voyait maintenant le cortège ducal, et la foule qui le suivait comme une tache sombre sur la brillante immensité des grèves. Il restait un quart de lieue à faire pour atteindre la base du roc. « Haut les bannières, hommes d'armes !» cria monsieur le sénéchal de Bretagne. On était devant le mont. Méloir et Aubry relevèrent brusquement leur hampe qui s'était inclinée dans le feu de la discussion. La bannière du couvent, qui portait la figure de l'archange, brodée sur fond d'or et l'écusson en revers, avec la fameuse devise du mont Saint-Michel, « Imensi tremor oceani », s'abaissa par 3 fois. Guillaume Robert, procureur du cardinal abbé, mit ses pieds dans le sable de la grève pour recevoir le prince, et les moines firent haie sur le roc. En ce moment où chacun descendait de cheval, il y eut dans l'escorte beaucoup de confusion. La cohue qui était à la suite poussait en avant pour sortir de la grève, le sable foulé se couvrait d'eau, et c'est à peine si les dames du deuil trouvèrent chacune un cavalier galant pour préserver leurs pieds délicats. Aubry sentit une main légère qui touchait son épaule. Il se retourna. Reine de Morvert était auprès de lui. « Que Dieu vous bénisse, Aubry, » dit la jeune fille, dont la voix était triste et douce. « Je sais que vous m'aimez. Écoutez-moi. Avant qu'il soit 1 heure, mon père va risquer sa vie pour remplir son devoir. »« Sa vie ?» répéta Aubry. « Votre père ?» Et ses yeux couraient dans la foule pour chercher l'absent. « Ne cherchez pas, Aubry, » reprit encore la jeune fille. « Vous ne trouveriez point. Mais écoutez ceci. Celui qui défendra mon père sera mon chevalier. »« Homme d'armes, en avant !» dit monsieur le sénéchal. Reine sauta sur le sable et se confondit avec ses compagnes. Aubry chancelait comme un homme ivre. « Allons, mon petit cousin, » lui dit Méloir. « Il n'y a pas de quoi tomber malade. N'est-ce pas que c'est bien la plus belle ?» Ce grand Méloir avait sous sa moustache un sourire méchant. « Que veux-tu dire ?» balbutia Aubry. « Rien, rien, mon cousin. Est-ce que ce serait... Mordiable, tu as une épée. Quand nous serons en terre ferme, il sera temps de causer de tout cela. » Aubry le regarda en face. « Il y a 2 moyens d'être heureux, » reprit le porte-enseigne d'un ton doctoral. « Se faire aimer et se faire craindre. Un brave garçon n'a pas toujours le choix. » Mais quand l'un des 2 moyens lui échappe, il garde l'autre. « Attention, mon cousin, baisse ta hampe et rêve tout seul. Moi, j'ai à réfléchir. » Méloir prit les devants. On passait sous la herse. Le chœur des moines chantait le Dies Irae en montant l'escalier à pic qui donne entrée dans le château. Chapitre 3. Fratricide. François de Bretagne et sa suite, arrivés à la porte d'entrée du couvent de Saint-Michel, étaient à 25 toises environ du niveau de la grève. François prit la tête du cortège et posa le premier son pied sur les marches de l'escalier. Cet escalier, dont les degrés de pierre vont se plongeant dans un demi-jour obscur, s'ouvre entre les 2 tourelles de défense, droites et hautes, percées chacune de 2 créneaux séparés par une embrasure couverte et conduites à la salle des gardes. Il faut parler au passé quand il s'agit des hommes, mais pour les pierres, on peut employer le présent, car ces merveilles en granit sont debout, et c'est à peine si les fous furieux de 93, les vandales de tous les âges et 4 siècles accumulés ont pu mutiler quelques statues pieuses, écorcher quelques saints contours. Par exemple, le plâtre, plus fort que les révolutions et que les années, le plâtre, arme favorite d'Attila directeur et d'Hérostrate entrepreneur de maçonnerie, a rafraîchi bien des vieilleries. Mais il n'est pas besoin d'aller si loin de Paris pour voir de quoi le plâtre est capable. Laissons le plâtre, et pour cela, décidément, parlons au passé. Vis-à-vis de l'escalier, une vaste cheminée que surmontait l'écusson abbatial tenait le centre de la salle des gardes. L'écusson du cardinal Guillaume d'Estonteville, 32e abbé de Saint-Michel, existe encore dans la nef et dans la salle des chevaliers. Il était écartelé, au premier et au dernier, burlé d'argent et de sable, au lion rampant du même, accolé d'or, armé et lampassé de gueules sur le tout. Au 2e et 3e, de gueules à 2 faces d'or, l'écu timbré d'un chapeau de cardinal de gueules et lambrequins de même, surmonté de la croix archiépiscopale, en cœur, l'écu de France à la bande de gueules pour brisure. Dans cette salle des gardes, Monseigneur l'évêque de Dole, qui devait officier, attendait son souverain avec le prieur de Saint-Michel et les chanoines de Coutances. Le prieur prit la gauche de Guillaume Robert, qui représentait le cardinal abbé, et livra les clés aux servants chargés d'ouvrir les portes. Pour arriver à l'église de l'abbaye de Saint-Michel, on ne marchait pas, on montait toujours. Il fallut d'abord traverser le grand réfectoire, énorme pièce de style roman, où la sobriété des détails fait naître une sorte de grandeur pesante qui impose et qui étonne, les dortoirs de même style qui règnent au-dessus et la salle des chevaliers. Elle était bien nommée, celle-là, fière et robuste comme ces géants qui s'habillaient de fer, lourde mais bien campée sur ses vigoureux piliers et respirant du sol à sa voûte la majesté rude du soldat chrétien.